السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نواصل الكلام في دراسة رسالة نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Chers frères et sœurs, nous continuons par la grâce d'Allah Azza wa Jal l'étude de l'épître Les Annulatifs de l'Islam de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous nous étions arrêtés lors du dernier cours au cinquième annulatif, qui est le fait d'éprouver de la répulsion ou d'avoir de l'aversion envers une chose apportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La personne à travers cela mécroit, quand bien même elle pratiquerait cette chose. Avant de rentrer dans le sixième annulatif, je voudrais faire une parenthèse sur un point évoqué lors du dernier cours. Lors de la traduction du hadith de Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, j'ai fait un lapsus en disant dans la traduction du hadith « Ô Allah, je te demande de m'accorder ton amour, l'amour de ceux qui t'aiment et l'amour de l'action qui te rapproche de ton amour. » Et ce qui est juste, c'est « et l'amour de l'action ou des actions qui rapprochent de ton amour » et non pas « qui te rapprochent de ton amour. » Fa'astaghfirullah wa atubu ilayhi. Après cela, l'auteur du livre, rahimahullahu ta'ala, a dit « As-sadisu man istahza'a bi shay'in min dini ar-rasul » أو ثواب الله أو عقابه كفر والدليل قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. L'auteur du livre a dit, le sixième annulatif, quiconque se moque d'une chose de la religion du prophète, d'une récompense d'Allah ou de son châtiment, a mécru. La preuve se trouve dans la parole du Très-Haut, et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ses versets, et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Sourate At-Tawbah, versets 65-66. Parmi les annulatifs de l'islam dans lesquels beaucoup de gens tombent et qui sont très répandus, malheureusement, il y a le fait de se moquer de la religion, de prendre en raillerie la religion d'Allah, ses signes, son prophète, les préceptes de la religion. Se moquer ou prendre en raillerie la religion d'Allah est un annulatif qui fait sortir de l'islam. Ceci car la base de la religion est basée sur le respect profond, l'immense considération d'Allah, de sa religion, de ses signes, de son prophète, de sa sunna. Et le fait de se moquer et de prendre en raillerie une chose de la religion contredit et annule cette base. Allah Azza wa Jal a dit à cet effet: وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Voilà ce qui est prescrit, et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. Sourate al-Hajj, le pèlerinage, verset 32. Il dit également, subhanahu wa ta'ala, dans la même sourate, juste avant, وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Sourate al-Hajj, le pèlerinage, verset 30. De même, Allah Azza wa Jal nous met sévèrement en garde de s'asseoir avec les hypocrites ou avec ceux qui prennent la religion en raillerie. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Il nous dit dans le sens du verset, dans le livre, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'enraille, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants tous dans l'enfer. Sourate An-Nisa, les femmes, verset 140. Le grand savant, le Cheikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, Rahimahullah Ta'ala, a dit en commentaire de ce verset, il a dit, c'est-à-dire Allah vous a montré sa directive lorsque vous vous trouvez dans des cercles de mécréance et de péché, ce qui renie ou se moque des versets d'Allah. Car le devoir de chaque croyant est de glorifier, vénérer et honorer les signes et les versets d'Allah, car c'est pour cela qu'il a créé les êtres. À l'opposé de la foi, il y a la mécréance. Et à l'opposé de la glorification, il y a la moquerie et le mépris. Le croyant est tenu donc de ne pas prendre place dans de telles assises, jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation, c'est-à-dire une conversation qui ne contient pas une négation ou une moquerie des signes d'Allah. Sinon, vous serez semblables, car vous aurez accepté leur mécréance et leur moquerie. En effet, celui qui accepte un péché est semblable à celui qui le commet. En substance, celui qui assiste dans une assise où on désobéit à Allah doit exprimer sa désapprobation s'il a la possibilité, sinon il doit quitter l'assise. Certes, Allah réunira les hypocrites et les mécréants dans le feu, comme ils étaient ensemble dans ce bas monde, unis dans la mécréance et le soutien mutuel. Fin de citation. Nous tirons également de ce verset l'interdiction de regarder, d'assister, de propager des sketchs, des vidéos, des scènes dans lesquelles on se moque de la religion d'Allah, de ses signes, de son prophète, de l'habit légiféré pour les femmes, de la barbe ou autre. Que ces vidéos soient faites par des humoristes ou autres. Et ceci, malheureusement, de nos jours, est très répandu de la part de beaucoup de ceux qui s'affilient à l'islam, wal'iyadhu billah. Se moquer de la religion d'Allah et de ses signes se fait sous plusieurs formes, de manière explicite comme la parole, ou de manière non explicite qui se traduit par des gestes ou des signes méprisants, de se faire des clins d'œil, des œillades, de tirer la langue pour montrer ou désigner, par exemple, des femmes vêtues de l'habit islamique ou des hommes portant la barbe, et ceci dans le but de se moquer ou de les mépriser. Allah Azza wa Jal nous dit à cet effet « Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun » وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. Les criminels, il nous dit dans le sens des versets, les criminels riaient, se moquaient des croyants. Quand ils passaient près d'eux, ils se faisaient des œillades. Et quand ils retournaient dans leur famille, ils retournaient en plaisantant. Et lorsqu'ils les voyaient, ils disaient « Ce sont vraiment ceux-là les égarés. » Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. Aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru, qui rient des infidèles. Surat al-Mutaffifin, du verset 29 au verset 34. L'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, a par la suite cité la preuve de cet annulatif, qui est le verset de Surat al-Tawbah, verset 65-66. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment nous ne faisions que bavarder et jouer, dit est-ce d'Allah, de ces versets, de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. La cause de la révélation de ce verset, comme a mentionné l'imam Al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, dans son tafsir, d'après Abdullah ibn Omar, qui a dit, lors de la bataille de Tabouk, un homme a dit, je n'ai vu personne comme nos récitateurs, en voulant par cela le prophète et ses compagnons, qui ont le ventre le plus convoitant, la langue la plus menteuse et les plus peureux lors du combat. Auf ibn Malik, radiallahu anhu, qui était présent, répliqua aussitôt et dit, tu as menti et tu es certes un hypocrite. J'informerai le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce que tu viens de dire. En allant informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Auf ibn Malik trouva que la révélation l'avait devancé. Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, a dit, j'ai vu cet homme qui avait prononcé cette parole s'accrocher à la corde qui fixe la selle sur la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, ô messager d'Allah, nous ne faisions que converser et plaisanter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Le grand savant Ibn Qudama, rahimahullahu ta'ala, a dit dans Al-Mughni, celui qui insulte Allah a mécru, qu'il soit sérieux ou qu'il plaisante, comme celui qui se raille, se moque de la religion d'Allah. Comme celui qui se raille, se moque de la religion d'Allah, de son prophète et de son livre. Et à la suite de cela, il a cité le verset de Surat al-Tawbah que nous venons de citer. De même, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit dans son livre « As-Sarim al-Maslul » après avoir cité le verset de Surat al-Tawbah, il dit « Ceci est un texte clair sur le fait que se moquer ou prendre en raillerie Allah, ses signes et son prophète est de la mécréance. » Nous avions également vu lors de l'introduction de cet épître la parole de l'imam ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, concernant celui qui prononce la parole de mécréance pour s'amuser, que ce dernier n'est pas excusé et qu'il sort de la religion, car il a l'intention et veut prononcer cette parole. Alors que celui qui prononce une parole de mécréance sous la contrainte ou par erreur est excusé d'une excuse légiférée. Alors qu'à l'opposé, celui qui plaisante n'a aucune permission ou excuse pour prononcer la parole de mécréance. Et pour finir, le cheikh Ubayd al-Jabiri, hafizahullah ta'ala, a dit dans son explication, en réalité, se moquer de la religion, plaisanter avec la religion ne peut provenir que d'une personne laxiste, irresponsable, inconsciente et sotte. Et ceci ne peut provenir des gens raisonnés parmi les musulmans. Quand bien même le musulman aurait des manquements dans ses obligations religieuses, il ne se moque pas de la religion, car sa raison l'en empêche. Si sa foi est faible, sa raison et sa pudeur, pardon, vis-à-vis d'Allah l'en empêchent. Quant au sceau, il n'est encadré par rien. Il n'est tenu par aucune ficelle. Il a la langue déliée. Il délie sa langue et parle comme il le souhaite, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre eux cet agissement, contre le fait de délier sa langue à tout va. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, « Inna al-abda la yatakallamu bil kalima ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nari ab'ada ma bayna al-mashriq wal-maghrib » Hadith rapporté par Muslim. Certes, le serviteur prononce une parole. À cause de ce qu'elle contient, il est plongé ou jeté dans le feu de l'enfer d'une distance plus longue qui sépare l'Est de l'Ouest. De même, le cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin a dit dans son explication de Kitab al-Tawhid al-Qawl al-Mufid, ce sujet est très dangereux, car une parole peut faire tomber la personne dans la perdition sans qu'elle ne s'en rende compte. Il se peut que la personne prononce une parole à laquelle elle ne porte aucune attention ou importance. Mais cette parole va mettre Allahu Azza wa Jal en colère contre elle, et de par cette parole, elle rentrera en enfer à cause de cette parole. Nous voyons à travers ces textes la gravité de se moquer et de prendre en raillerie la religion d'Allah. Nous voyons également la finalité de celui qui s'adonne à de tels agissements. La personne, à travers cela, sort et annule son islam. Qu'Allahu Azza wa Jal nous en préserve. فَنَكْتَفِي بِهَذَا الْقَدْرِ وَفِيهِ كِفَايَةٌ Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Notre prochain rendez-vous sera la semaine prochaine. بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى فَنَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُوَفِّقَنَا لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ وَنَسْأَلُهُ جَلَّ وَعَلَا أَنْ يَجْعَلَنَا مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته